Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Et si l'on passait ces prochaines minutes bonheur ensemble? Tous les mardis à 8h et 13h30. Aujourd'hui, le bonheur se fera en quatre accords Toltec. Les quatre accords Toltec sont en quelque sorte un code qui permet d'appréhender le monde sereinement et de façon plus saine. Ce sont des mantras pleins de bon sens, mais surtout d'une très grande puissance. C'est Miguel Angel Ruiz, un auteur mexicain, chaman et enseignant, né en 1952, qui sortira ce sujet de l'ombre. Né d'une mère curandera et d'un père nahual, chaman toltèque, il fait des études de médecine pour devenir chirurgien. Sa vie bascule lors d'une expérience de mort imminente qui l'aurait inspiré à chercher des réponses aux questions de l'existence dans la tradition toltèque. La culture toltèque est une culture mésoaméricaine qui s'est développée autour de Tula, leur capitale au Mexique, au début de la période post-classique de la chronologie mésoaméricaine située entre 900 et 1200 de notre ère. Le terme toltèque provient du nahuatl et désigne les maîtres bâtisseurs. Dans les légendes nahuatl, les Toltecs sont censés être à l'origine de toute civilisation. C'est pourquoi on les nomme artistes ou maîtres bâtisseurs. Suite à son expérience, Miguel Ruiz a fait ses recherches et a écrit les quatre accords Toltec, titre original The Four Agreements, livre d'une centaine de pages publié en 1997 aux États-Unis. En France, ces mots de séjournant, une proche de Miguel Ruiz, labellisée enseignante certifiée, qui est à l'origine de sa publication. Il propose de passer avec soi quatre accords visant à briser nos croyances limitatives. Celles que nous développons depuis l'enfance, qui distordent la réalité et nous maintiennent dans la souffrance. À force de conditionnement culturel et éducatif, sur ce qui est juste ou faux, bon ou mauvais, beau ou laid, et des projections personnelles, je dois être gentil, je dois réussir, nous avons intégré une image fausse de nous-mêmes et du monde. Alors, quels sont ces quatre accords Toltec? Le premier, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez, n'utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d'autrui. Miguel Ruiz rappelle le pouvoir du verbe sur le psychisme. Qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante d'un parent et ne la fait pas encore résonner une fois adulte? La parole est un outil qui peut détruire ou construire. Contrairement à ce que nous croyons souvent, les mots ont du poids. Ils agissent sur la réalité. Comment s'y prendre? En cultivant la modération dans ses propos, ne pas en dire trop ni trop vite. Et d'après le chaman Miguel Ruiz, cela commence dans le discours que l'on se tient à soi-même. La clé, c'est l'attention à notre discours intérieur. Les critiques et les jugements que nous cultivons sur autrui, mais aussi les sempiternels « je suis nul », « je suis incapable » ou « je ne suis pas beau » que nous entretenons à notre sujet sont des paroles négatives qui polluent notre mental. Or, elles ne sont que des projections, images faussées en réponse à ce que nous croyons que l'autre ou le monde attend de nous. Conclusion, parlons peu, mais parlons vrai, en valorisant aussi nos atouts et ceux d'autrui. Deuxième malcor, n'en faites jamais une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas. Ils lui appartiennent parce qu'ils sont l'expression de ses propres croyances. Vous êtes critiqué ou encensé, c'est l'image que l'autre se fait de vous, ce n'est pas vous. De même, les événements qui surviennent ne sont pas toujours des réponses à notre comportement. Selon Miguel Ruiz, nous devons sortir de cet égocentrisme qui nous fait croire que tout ce qui arrive autour de nous est une conséquence de notre attitude. Le « moi-je » nous maintient dans l'illusion, donc dans la souffrance. Comment s'y prendre ? Il s'agit de moins rester stoïque que de prendre du recul. Ramener à soi ce qui appartient à l'autre déclenche inévitablement de la peur, de la colère ou de la tristesse et une réaction de défense. L'objectif ? Laisser à l'autre la responsabilité de sa parole ou de ses actes et ne pas s'en mêler. Cela suffit souvent à calmer le jeu. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est donc s'estimer et se libérer de la souffrance. Accord numéro 3, ne faites aucune supposition. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. C'est un travers banal. Nous supposons, nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire. Un ami ne nous a pas dit bonjour ce matin et nous imaginons qu'il nous en veut. Selon Miguel Ruiz, c'est un poison émotionnel. Pour s'en libérer, il propose d'apprendre à mettre les choses à plat, par exemple en exprimant ses doutes, ce qui implique d'apprendre à écouter et d'être capable d'entendre. Comment s'y prendre ? Il s'agit de prendre conscience que nos suppositions sont des créations de notre pensée. Dès lors qu'une hypothèse devient une croyance, « cet ami est fâché contre moi », nous élaborons un comportement de pression « je ne l'aime plus, moi non plus » ou « je dois le convaincre de m'aimer à nouveau », source d'angoisse et de stress. La morale de l'histoire, cessons constamment de nous mettre à la place des autres et plus exactement dans leur esprit, cessons également de supposer que les autres savent à notre place. Personne n'est dans notre esprit, alors communiquons, échangeons, posons des questions. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger. Cet accord découle des trois premiers. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie, vous finissez par agir contre vous. Mais si vous en faites moins, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité et au regret. Le but est de trouver le juste équilibre. Comment s'y prendre ? Ce qui est juste pour soi ne dépend en aucun cas d'une norme. Pour Miguel Ruiz, certains jours, faire ce qu'il y a de mieux pour soi, c'est rester au lit. Le pire piège est la course à la perfection. L'un des moyens d'éviter ce travers est de remplacer nos « je dois faire ceci » par des « je peux faire ceci ». Cela permet de s'approprier pleinement l'objectif à atteindre sans se soucier du jugement et des attentes des autres. Faire de son mieux est donc une habitude à prendre et qui d'ailleurs facilite la mise en place des trois premiers accords. La voix Toltec de la liberté, briser les vieux accords. La véritable liberté est de pouvoir être libre d'être qui nous sommes vraiment. En prenant conscience de l'existence de ce schéma, nous commençons à rompre avec ces anciens accords qui ne nous correspondent pas. Une fois que nous avons conscience de qui nous sommes vraiment, nous pouvons transformer notre être en nous libérant de la domestication et en y mettant de l'intention. Redevenons de grands enfants pour être libres d'être qui nous sommes vraiment. En 2010, en collaboration avec son fils, Miguel Angel Ruiz a écrit le cinquième accord Toltec qui est « Soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-entend les mots et vous comprendrez le véritable message. Vous voulez en savoir plus ? Des ouvrages existent bien entendu sur le sujet. Prophétie Toltec de Don Miguel Ruiz, traduit par Olivier Claire. Le don du pardon, un cadeau Toltec de Don Miguel Ruiz, aux éditions Très Daniel. Et bien entendu, les accords Toltec. Je vous laisse à toutes ces pensées sur le sujet, en espérant vous avoir donné aujourd'hui une bouffée de bien-être pour continuer votre journée au mieux et les suivantes aussi. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles minutes bonheur ensemble. Je vous embrasse bien fort.